C'est ridicule et honteux. Trouver des gens qui s'appellent frères, mais qui multiplient des scandales, qui vivent dans le péché. Ils ont du plaisir. Oh, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? On peut profiter de la grâce. Non, parce que Dieu pardonne et Dieu va pardonner. Comment on peut avoir une telle mentalité? Un tel comportement que dégradant. Disqualifié. Comment ça? C'est inconcevable. C'est inadmissible. Christ est notre résurrection et notre vie. Amen. Si nous l'avons, ça doit se vivre. Ça doit se ressentir. Et nous devons le connaître dans la puissance de sa résurrection. Que cette puissance opère en nous. Que cette puissance opère les délivrances en nous. Que cette puissance change nos caractères en profondeur vraiment et au quotidien. Mais ça, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Les effets de sa résurrection doivent se vivre. Les effets de sa résurrection doivent abonder. Les effets de sa résurrection doivent se multiplier après ton baptême d'eau. Tu dis amen. Parce que si toi tu produis d'autres résultats que ça, c'est que tu as pris un baptême faux. Tu as été menteur dès le départ. Un hypocrite. Tu as fait semblant. Mais l'hypocrisie de ton cœur t'a rattrapé. Ça va te rattraper. On ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas avec la parole de Dieu. On ne triche pas dans le royaume de Dieu. On ne triche pas dans l'évangile du Seigneur. Soyez honnêtes et sincères. Allez à Dieu comme ça et vous verrez les résultats. Tous ceux qui ont été baptisés en son nom, Jésus-Christ, ils ont été baptisés dans sa mort. Pour mourir à leur vieil homme. Mourir à leur vie passée. Il meurt au vieil homme. Il meurt à la vie passée. Et pour marcher à nouveauté de vie. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tokunda minaye elongo nanzela na kubatisama. Tolali lokola bakufi ete. Lokola Kristo asekwaki kati na bakufi, po na tembo na tata, biso mpe totambola na bomoi na sika. C'est exactement ça que Dieu pense. C'est exactement ça que les chrétiens authentiques expérimentent. Pas les hypocrites qui sont nommés dans les églises. Mais la race rare des vrais croyants. Les croyants du cœur, les âmes du cœur. Ils expérimentent exactement. Parce que Dieu ne ment pas. On ne force pas la vie chrétienne. Vous recevez le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est le baptême dans la mort de Jésus-Christ. Si vous vous retrouvez dans sa mort, c'est que donc dit la Bible, vous avez été enseveli avec lui quand il a avait été enterré là. Et trois jours après, c'est beaucoup. La vie nouvelle doit apparaître. Avant 72 heures, déjà, cette résurrection doit produire les effets. Tu rentres dans l'eau, les effets de la résurrection de Christ. Mais ils doivent être là dans les trois jours. Et quand il est ressuscité, il ne peut plus mourir. Il ne peut plus rentrer à ce qu'il était avant. À l'état d'un mortel. Mais il a revêti l'immortalité. Et toi, tu reçois la vie éternelle. Tu ne viendras pas en jugement. Mais tu es passé de la mort à la vie. Il doit en être ici. Hein. Chacun doit s'examiner. Il doit en être ici. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Exactement ça. Le vieil homme crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez qu'après votre baptême d'eau, l'esclavage du péché est fini. C'est l'autorité de la parole biblique. On ne peut plus comprendre que tu sois un impudique, un menteur, niant des évidences. Ça n'a plus de place. Dès que tu es baptisé d'eau, correctement, le baptême chrétien au nom de Jésus-Christ, le vieil homme est crucifié. C'est ça la parole de vérité. Voyez la gamme de négociation, on va te comprendre, Ngaï. Je dois comprendre la parole, la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pas la parole. Voilà, la parole dit, vieil homme crucifié. Ne cherchez pas à interpréter ça de travers. Vous tirez la couverture de votre côté. Si ce n'est pas correct, c'est pas correct. Ok, bon dité. Ne cherchez pas des accommodations. Kolukate, kokangisaka makambo. Et des raccordements frauduleux. Kosangisaka makambo. Tranquillisez votre conscience. Là où le jugement, la sentence et la parole, est en appel. Quand il passe au jour de la terre, non, je suis. Le vieil homme crucifié. Le moto ya kala, et pas qui s'amène à couler. Amen, amen, pour toujours. Quelle que soit cette apparence religieuse et de piété, c'est la tromperie, l'apparence. Ton cœur est menté. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il a trompé l'église de Dieu. Vous avez trompé le peuple de Dieu. Vous devez vous repentir. On n'entre pas au ciel dans la facilité. Mais on ne force pas aussi la vie chrétienne. Il faut que la semence parole trouve place au-dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous précipiter. Amen. Ne vous précipitez pas faire des choses. Mais vous devez savoir ce que vous faites. Amen, c'est vrai. À chaque étape, sachez ce que vous faites. Calculez les conséquences et les effets à long et à court terme. Attends, voilà ce qu'il y a. Par le baptême de nom Jésus-Christ, notre vieil homme a été crucifié. Et ça, ma gamba, suivi à pasteur, était. On suivi à pasteur, n'est qu'au son amendement à la fermite. Et dit. Bazolo, ma gamba, pour les là, on voit que suivi à pasteur. Yo, y'a aussi un baptême volontairement. To baptisio. Maintenant, on va nous dépendre, oui, il faut pasteur à l'andelangaï. Donc, la soeur à l'andelangaï, t'es yamonde. T'es qu'à pasteur, t'es qui? Tu veux faire mentir la Bible? Vous voulez fabriquer notre évangile? Basé sur le suivi pastoral. Alors, le groupe de prière là-bas. Ils sont tous religieux. Et rendre le pasteur trop important. Là où c'est la parole qui est plus importante. Elle doit reproduire la nous qui la recevons. Elle doit agir dans ce qui la croit. C'est la parole du sauveur. C'est l'évangile du salut. Amen. Amen. Amen. Amen. Maintenant, on a des chrétiens fabriqué par les mains d'hommes. Vous allez dans la Christo, va salami, vous venez dans ma boucle à bateau. Dans notre tenue bateau, mais vous allez moi suivi. Il y a encore mes réglés à l'église. Azoyak, Azoyak. Mais ça, c'est quelqu'un qui marche sur un clic. Il n'a pas la vie. Azala bon mon idée. Bon, on voulait qu'on soutienne nos soins. Bah, après, on va nous faire le coup. Arrêtez un peu, voyons voir. Brrrr. Il n'y a rien. Et l'autre qualité. Bon, au confond d'abongo. Tu attendras aussi quand l'enlèvement va venir, hein. Des frères viendront pour te transporter dans leurs bras, pour t'aider à monter au ciel. C'est ça, hein? Parce que là, vous voyez, pas une aïe, assis-moi dans ma boîte comme ça, ouais. Sœur, mon dieu, minangaï, et l'enlèvement, yango, yo, yo, paye, faut qu'il y la limite, au raté. Hello. Maintenant, vous êtes à combien? Pasteur, vous êtes à combien de tout? Vous allez bondir. Il va aller prendre qui, les qui? Vous en allez, vous êtes à n'aïe. Pasteur, tranquille. Parole et salam ça. Tu dois connaître Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. La résurrection d'entre les morts doit produire les espérances. Manifester une résurrection préliminaire. Il faut tout changer. Non, c'est fait bon, hein? Tu as bien. Alors, bien, vous voyez. Au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Tout va bouillir. Que le légué n'a pas la nabisso bateau et pas qui s'amène à Kounoussou, Naye et Longo. Et t'es d'autre à Masumu et comme à l'eau que Pamba, pour j'ai la lissoussou, Bambo, Namasumu. Le corps que tu as maintenant là, c'est ça le corps du péché. Mais par un baptême chrétien correct. Dans le respect des normes de Dieu. Le corps du péché, bien que c'est ton corps, il a des désirs, il a des passions, il a des ambitions, il a des projets, il a des réalités, il a des réactions, il a des réflexes, il a tout ça. Mais ce corps doit être réduit à l'impuissance. Tant au vieux engagement, on a un dégât de Zoto ya Moussouni wana est commis impuissant. Et qu'on quitte votre temps, monsieur. Parole de votre temps, par un baptême chrétien correct. Angela Liba, qui s'est au Christ, l'oulengue est bongi. Oh, c'est un gars la curiosité. Et l'ingé est banano. Et l'ingé est découvrir l'inano. Et ni. Réduit à l'impuissance. Le corps du péché, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, réduit à l'impuissance par la semence parole que tu as reçue, dans laquelle tu as cru, et qui agit en toi qui la crois. Ça crucifie les vieillots, ta vieille personnalité, tes vieilles sales habitudes, tes vieilles mauvaises habitudes, crucifiées. Et le corps du péché réduit à l'impuissance. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que cette grâce a-t-elle déjà agi à ce point-là? Qui va pilifier en zoto. Va convertir en zoto. Puis louer la poche en zoto. Maîtriser. Dominer. Au sentir, penser, vous commis les colonnes. Depuis ton baptême. Maintenant tu te bats pour les autres choses que Dieu a promises dans son royaume. Vous allez comprendre après la vidéo, vous allez comprendre après la vidéo. Tu ne fais pas plus haut, Zambé. L'homme est salaire, Koulou la Royo. T'as un homme, Rob Yasserwana, Nasoko Kateko Zokimia. Zambé, l'homme est salaire. Sujet de prière. Sujet de prière, Moutouazo Batem. Je vais pas sujet de prière. Quelqu'un est salaire. Vraiment, il prie encore comme ça. Il prie encore comme ça. Zambé, Koulou la, na Koulou la, parce que t'as un homme à sentir, il y a frère Wana, Nasoko Zokimia. A Olo, t'as bien été. Il faut qu'à payer à Zoua. Et l'homme, on va en akende kuyenga yenga weza mubimba akende kuluka wapi akusoma uyugi soni wene kutuna yi tuna yi soni uyugi soni likula kulula ukubiko yenga yenga kuna uke ne marisha wa zikide ya ngote usoka gambela yu kaka kulula ikumisho muhumbu quand tu reçois un baptême chrétien correct tango ya mili bati sabu kisto nalengi nukumbani nalengi nukumbani c'est ce que la parole annonce et c'est ce qui doit être vécu. Nous ne pouvons pas anéantir la parole de Dieu. L'Écriture ne parle pas en vain. Non, mais au moins, il dit que Baka est belé même l'église, tout qu'il n'y a pas tout le monde. Au moins, il dit que Baka est belé, mais quand on dit que les autres vont les appeler à côté, à table, ça est belé. Parole qu'on ne va jamais le coûter, que Bino ne va commander vérité et réalité. Le coup la bien annoncé, vous êtes une bande d'escrocs. Tant que vous êtes une bande d'escrocs, vous venez tromper au nom de la Bible. La Bible, la Bible dit vrai. Demandons à Dieu une expérience de la parole conforme à ça. Ou c'est ça ou c'est rien. Mais pas de bricolage et de négociations. Ah oui, ça politique. Ça beaucoup la gâté. Non, moi, maman aussi, c'est la Bible, il faut que ça la bien, ils ont un sens où on a été, ça se nie. C'est vraiment comme ça, ça doit être écrit comme ça. Le corps du péché doit être réduit à l'un. Le corps du péché doit être réduit à l'un. Le corps du péché doit être écrit. Et nous serons semblables à lui dans une résurrection comparable à ça. L'immortalité est devenue un gage pour toujours. La vie éternelle ne doit pas être une spéculation. Après ton baptême d'eau, ça doit être une assurance. Et lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, allez le Seigneur. Un salut réel, un Dieu palpable. Nous voulons ça. Pas le bricolage. Pas le comprenez-moi. Comprenons Dieu. On n'a pas trop besoin de te comprendre. On a besoin de comprendre. Nous allons chez toi. Nous ne finirons pas chez toi. Nous voulons finir au ciel chez Dieu. Il faut te comprendre. Vous comprenez-moi dans mon cas à moi. Mon cas à moi. Mon cas à moi. La parole. L'expérience doit être conforme à la parole. Si tu as raté quelque chose, rattrape-toi. Versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Amen. Copain wana, nazo kokotika yete, copine wana, vraiment somo, yesuka. Azana ba méthode moko, parce que c'est moko. Tu mens. Zali kokosa. Tu vis encore dans ton vieil homme. Zali kobika na motoro ya kala. Mais tu es venu faire semblant de croire la parole. Oui, kokosa na ko ondibili lova. Et ton hypocrisie t'a rattrapé. Bilongi bali na yo, écoute yo pesa. Voilà maintenant zo kote na ba complication. Alors que la parole de Dieu n'est pas comprise. Telle qu'on la lit là, c'est comme ça qu'on la vit. Nous disons amen. Alors, en prenant le verset 5, hein, la conformité, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, chapitre 4, Dieu nous rappelle pour la résurrection à venir de Paul. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Zambi soko to jali kondima ete Yesu akufi pe aseku lususu bongo na nzela na ye Zambe akuyeisa lususu bango ba jali esika moko na ye. Voyez que Christ il est le pivot. Botala, il est la pierre principale de la libanga ou ya moto. Il est la racine principale. Ya zali li... La pièce maîtresse est incontournable. Tout tourne autour de lui. Votre baptême, c'est en son nom. Baptême d'eau, en son nom. Baptême du Saint-Esprit, en son nom. La puissance du Saint-Esprit, en son nom. Vos prières, en son nom. Vous recevez réponse, en son nom. Tout ce que vous faites en écoutant parole, en son nom. Vous recevez réponse, en son nom. Et votre résurrection aura lieu en son nom. Le changement de votre vie a lieu en son nom. Et par lui et avec lui. Voyez ça? Alors si nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, croyons de même que Dieu ressuscitera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Il ressuscitera. L'heure vient où les morts entendront sa voix. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais déjà pour y arriver, nous devons le connaître dans la puissance de sa résurrection. Et les effets de cette puissance dans notre vie quotidienne doivent devenir innombrables, palpables. Retournons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Bongo tozali kotika motema te ata ndambo na biso na libanda ezali kolemba nde ndambo na biso na kati ekobongwana eloko na sika mokolo na mokolo. Wana ezali mbongwana ya mokolo na mokolo continuel ezali kokobaka ininterrompu ekatalaka te. Soutenant la persévérance de ta foi, osimbaka motema molai ya kondima na yo. Appuyant la persévérance de ta foi. Oui, ce changement dont nous voulons entendre parler. Ce changement que nous voulons apprendre de vous. Ce changement qui doit être concret dans notre vie quotidienne. Même si le vieil homme vieillit. L'homme extérieur, je veux dire. Le corps vieillit. Se dégrade. Mais que l'homme intérieur se renouvelle. Par quoi? Par la puissance de sa résurrection. Qui a stoppé la pourriture. Pour empêcher la pourriture de pénétrer son corps physique. Cette puissance peut arrêter toute pourriture du péché dans ton caractère. Elle peut stopper toute invasion du mal dans ta vie. Elle peut arrêter net le mal. Elle stoppera tout péché. De sorte que quand il est écrit, ne se laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, ça devient ta vie quotidienne. Mais sans le secours de Dieu quand tu y as filé. Quand tu es dérangé par les démons, tenté par le péché, tu ressentiras le secours de Dieu. Tu sauras que Jésus est avec toi. Et qu'il t'appuie et t'aide vraiment à échapper toujours. Et tu sais que ton Rédempteur est vivant. Il frayera une voie pour que tu ne sois pas tenté au lieu de tes forces. C'est la promesse qui doit soutenir ta foi. Il fera toujours une voix. Ma Bible a dit qu'il le fera toujours. Casse-tête, nous voulons les races pires. Il a cru correctement et le caractère chrétien suit automatiquement. À travers des tentations, des combats, Dieu a fermé. Christ fait secours. Sans son aide et sa puissance. Et chaque fois que tu es coincé, il fraye une voix. Et tu vois la voix, tu l'empruntes immédiatement. C'est avec Christ que tu marches. C'est lui que tu connais. Et tout le reste, c'est la boue. Même les pieuvres sont libres, c'est la boue. Tu considères ça comme une paix. Oh, ça va procurer du plaisir. Paix. Amen. Le corps du péché, impuissant. Inactif. Il peut essayer de se réveiller, mais c'est sans effet. C'est sans résultat. Parce que la semence de la parole est déjà là. Et celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pêcher. C'est la Bible qui te le dit. La Bible dit, frère, il ne peut pas pêcher. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quand Dieu plante et enracine, qui viendra en lui? Satan? Enracine le pouvoir? Si tu es dans la main du Père, nul ne peut te raver. Si Christ te tient, hein, tu peux te rébicher, mais il ne tombera pas. Même si tu penses presque jusqu'au solibat, tu es élevé. Car il fraye toujours une fois pour s'en sortir. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 16. Bongo tozali kotika motema te ata ndambo na biso na libanda ezali kolemba nde ndambo na biso na kati ekobongwana eloko na sika mokolo na mokolo. Car nous les chères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles tala bolembo ya motu yango. Kaka biloko misu ezo mona, ezo benda misu, ezo benda misu, ezo benda motema. Ne regarde plus à ça. Pour aller tout ça, c'est la bouche et la paix. Tu dois considérer ça comme ça. Et c'est le monde avant le langue là. Mais il y en a qui ne veulent pas considérer ça comme ça. Et c'est pour ça qu'ils continuent à s'embrouiller à cause des choses de terrestres, à cause des choses du monde. Ils s'embrouillent. Appliquez le principe de la parole. Je regarde tout ça comme une paix. Attends, Satan, il y a un miroir, il y a un miroir, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il y a détourné, regarde, il y a le Christ crucifié. Natala, mon Jésus souffre à la croix pour la sainteté de mon âme. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas le décevoir. Je dois l'honorer. Je dois honorer son peuple, honorer mes engagements. Honorer mon église. Honorer le service divin. C'est vrai. Car nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Pointe, bonjour, les gens qui vous citent peu et vous me dites que le temps de monter, les gens qui vous disent que vous êtes na bozito, na koleka, na kembo ou et que vous me la libella. Biso tokota la kate na makambo, makambo, ma jangi komonana. Ma monani ma jali bobele, na tango ou, Tu ne peux pas te fixer sur des choses passagères. Vous laissez ton attention être bloquée sur des choses passagères. Le plaisir dérisoire du monde est du corps. Des plaisirs trompeurs. Mais comme on chante à la croix, au périmètre, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être. Tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Oh, son disciple, je veux être. Pour être comme lui. Tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne bosse de sa main. Vire les monts dans les prairies, oui mon bon, n'aurait divin. Oh, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie de meurt dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides. Par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vers mes convoitises et du monde qui m'étendra. J'ai trouvé la paix promise dans le sang des Golgotha. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais, toi aussi fais ton choix. Ton ici, je veux être ton prêté, lui par la foi. C'est ce qu'il faut. Amen. Mon cher ami, c'est ce qu'il te faut. Fais le choix et sois conséquent. On a payé fais ton choix et que ce soit un choix définitif. Fais ton choix que ce soit un choix inébranlable. Que rien du monde ne fasse baloter. Choisis une fois pour toutes. Christ est ma vie et tout le reste n'est que sable mouvant. Christ est le rocher de ma foi. Le rocher de mon salut. Tout le reste n'est que sable mouvant. Je me tiendrai sur lui pour toujours. Voyez ça. Non pas le connaître en parole ou en acte, je reviens à la situation. Dans les sons de Dieu, le paragraphe 3 à 5, j'avais dit. Non pas le connaître en parole ou en acte, mais le connaître dans la puissance de sa résurrection. C'est l'un des grands espoirs que nous avons ce soir. Et c'est l'unique espoir que nous avons. Cette glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus. Et dans la résurrection préliminaire, que nous avons maintenant en passant de la mort à la vie, en ayant la vie éternelle par Jésus-Christ, attendant une attente glorieuse de toute la nature jusqu'au jour où il viendra des cieux pour la seconde fois. C'est lui que Dieu enverra au temps marché. Une attente de toute la nature. On attend ce moment-là où on identifiera le véritable Fils de Dieu. Ressuscitant comme prémisse de ses créatures. Ressuscitant en assemblée des premiers-nés. Par les rachetés de la terre. Louange à Jésus-Christ. Que je sois l'un de ces jours-là. Et alors, bongo, ce corps mortel dans lequel nous gémissons maintenant, revêtirons l'immortalité. Nous serons changés et transformés en image de son propre corps glorieux. Car nous le verrons tel qu'il est. Et alors, le péché et le chagrin Le péché est la mort de ce monde. Le monde sombre cesseront. Dans ce glorieux règne de paix, avec Jésus pendant 1000 ans. Les oiseaux attendent cela. Les arbres attendent cela. La nature entière s'étore et gémit attendant cela. Soupirant d'être revêtu. Mais toi l'homme, toi femme, comment ne veux-tu pas attendre ça? Vivre pour ça. Je vous ai dit ce soir, vivons pour la résurrection. Vivons pour la résurrection. Pour parvenir si je puis. On a pourquoi ma soeur qui n'a la résurrection entre les morts. Mon ami, vivons pour ça. Vivons pour ça. Que notre espoir soit dans ça. C'est ce que je veux que nous vivions. Vraiment ça. Dans les sermons, l'expectative. Et chez le 28 février 1954, l'expectative. Je prends par la fête et par là je termine. Dieu voulant. J'aimerais dire comme Paul d'autrefois. Je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et quand il appellera d'entre les morts, j'aimerais en sortir. Toi aussi, veux-tu attendre ça? Travailler pour ça? Hein? Le pain de vie, la résurrection et la vie qui est Jésus-Christ. Que lui, Jésus-Christ, veut te donner. La vie éternelle. Mais travaille pour ça. Vivons pour ça. Ayons cette espérance-là. L'unique espoir valable. Et quand il appellera d'entre les morts, j'aimerais en sortir. J'aimerais en sortir. Oh Dieu, fais-moi grâce que ce jour-là il en soit ici. Quand tu appelleras toi le Fils de Dieu, que j'entende ta voix, que mon corps réponde, que mon corps réagisse, qu'il soit parmi ceux qui entendront et sortiront. Veux-tu? Toi aussi. Et quand il appellera d'entre les morts, j'aimerais en sortir. Il y a un grand canal sombre placé devant chacun de nous. Un grand canal sombre placé devant chacun de nous. Ou plutôt une porte. Une porte sombre. C'est comme quand vous voulez. Regardez un peu le portail là. Au moins la lumière est éclairée. Ah, on m'a posé. Una na libanda. Voilà, porte est fumée en ligne. Libanda, nous sommes à Napoli. Moi, écoute, à mon quai. C'est comme si dès qu'on bimait caca, ou on va nous faire des sawana, mon lit est en bio. Il y a une porte sombre. Une grande porte sombre. Là, c'est devant chacun de nous. Les allées, vous savez, moi, quand on a vu ça. Tu vis sous le soleil. Dans le cobi, quand on a fait à moi, c'est. Parce qu'il y a une porte sombre devant toi. Il va être dans le cookie, à mon indo, à mon lit, à chaque battement de notre cœur, nous en apportons davantage. Vous allez couper les mapelines en gros, écoute, Yana. Les 120 morts d'hier, là. Du chiffre 13 d'hier, le 13 décembre. Satanisme en action. 120 morts à cause de la pluie. Peut-être même plus. Mais dénombré jusqu'à 120. Jésus avait 120 disciples, mais le diable vient amasser ici. Yes, c'est une mort brutale comme ça. 120. Mort au service de Dieu, mais mort apporté par les eaux de pluie. Les pluies sont tombées des siens pour. Alors il y a une porte sombre qui est placée devant chaque ville. Donc si tu viens à Kinshasa, tu pouvais être emporté aussi hier. Hein. La même pluie là est tombée aussi sur toi. Là où tu dormais. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Dieu t'a gardé. Amen. Un immeuble de 2 ou 3 niveaux ici à ma tête, écroulé. D'accord. Et tous les véhicules qui étaient dans le garage auraient des chaussées. La dalle est venue s'obsesser. Mais tout cagnon, c'est la qui est assez wana, wana. Et tout wana, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Ola mugi na tongo, d'abord yomogo, vie incertaine. Tala mutuka. Chikanga na sekona. Écrasé au sol. Parlez encore. Glorifiez-vous. Vous avez, vous possédez un contact, non? Yo, vous allez à Fongola. C'est une marque spéciale. ML. Vanité de vanité. Fanda. C'est de la boue tout ça. Cherchons Jésus-Christ. Cherchons le royaume de Dieu. Nous avons besoin de Zambie. À chaque battement de notre cœur, nous en approchons davantage. Mais il y a une chose. Lorsque nous y arriverons, nous n'entrerons pas comme un lâche. Quand mon tour arrivera, et ton tour aussi arrivera. Dans quelle partie de nous allons mourir de nous se ici. Otiamo mokongo yo wana bandisko yo moko kaka hein wana to bimagade a la fois te moko moko chacun son tour kaka wa déjà kaka pour forza wa ya ya église moko moko toujours elle na tout o ya koti o ya linga kota koti ne so so abimine moko moko le bulili de ko bimia bulili ya mbio na balabala bani ko de prier mi supporta la o mona bien il faut pas y entrer comme un lâche. Quand mon tour arrivera, j'aimerais m'envelopper dans la robe de sa justice. Et y entrer, sachant ceci, je le connais dans la puissance de sa résurrection. Il n'est pas étonnant que Paul mourra et dit, eh bien, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Au lieu de commencer à trembloter. Au lengi, n'a mis sa vivani kotoka. Oh, n'a yébite n'a rokomanini, qu'est-ce qui va m'arriver après ceci? Non, mais il faut y entrer comme un vainqueur. Et c'est vrai, y entrer en héros. Kokota lokole lombe. Hein? Paul, quand il devait y entrer, il a dit, j'espère qu'il y a une couronne de justice ce matin. Le Seigneur me la donnera ce jour-là. Il croyait à sa résurrection. C'est vrai. Mais Timothée 4, là, le verset 6 à 8. C'est ce que ça m'attend. Parce qu'il croyait à cette résurrection. Il vivait pour ça. Vous voyez? Donc, où est ta victoire? Et il a dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est ce genre d'espoir qui repose dans chacun de nous. Ce jour-là, quand tous les vieux auront rajeuni, et que les enfants seront devenus des gens d'âge normal, ne serait-ce pas merveilleux? Il n'y aura plus de maux de tête. Il n'y aura plus de tristesse. Ni rien. Grâce soit rendue à Dieu. Ce jour-là, il n'y aura plus de maux de tête. Ou de nouvelles tristes. Des choses qui affligent le cœur, qui vous attristent. Jusqu'à donner des fois les dégoûts de vie. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus rien de tel. Il n'y aura que de la joie véritable. Comme le Seigneur a dit, entrez dans les joies de votre mère. Qui ont été préparés pour vous avant la fin de ce jour. Il y a des joies que Dieu a préparées. Pour que toi tu puisses les hériter. Que tu puisses y entrer. Que tu puisses en jouir. Et manifester ces joies-là. Imaginez des joies que Dieu lui-même a préparé avant la fondation du monde. Mais que vienne le temps, l'heure où tu vas y entrer. Quel bonheur. Ne rate pas ça. Que Dieu te bénisse. Que nous levons pour la prière. Oh, Namboka, namboka, oyo kito, bana pate, bana pate, yemboko, yeso, yende, polingo, nansa, ampe, akonge, kati, seka, Anamboka na boka oyo kito Kalamana pate ba na pate emoka Yeso ye ne po hun po nata Ampe akonge ga I beta Kuna tu na kembo ekosa la pie non se te na pompo Kuna ke na eba e na po O ekosa ne sa Anamboka na boka oyo kito Alamana pate ma na pate emoko Yeso ye ne polin konansa Ampe akongenga I beka Simon, si ma kappa passion, passionna sata, kakota na lola, ici ka e, se ka ya maina bo, kakosa, kimia, se po, Anamboka na baka oyo kito Olamana pati ma na pati ye moko Olo yiso ye ne polin konansa Ampe akongenga yi be Anamboka na boka oyo kito Olamana pate ma na pate ye moko Yeso ye ne polin konansa Ampe akongenga yi be Disons chacun un mot de prière. En vérité et avec sincérité. Vivant pour la résurrection. Tant que tu ne le fais pas encore. Parce que tu es déconnecté du vrai programme. Père, avec ses pourritures, t'attire encore. Te tire vers le bas pendant que tu essayes de se tirer vers le haut. Détourne-toi. Pour regarder à Christ. Que tout le reste soit de la boue. La perle. Gagne Christ. La perle de meilleur prix. Prions chacun maintenant. E cosa la di pesa Namboka oyo kito Solo ma nam pate ma na pate ye moko Yeso ye ne polin konanta Akongenga hi beza Namboka na moka o yo kito olo manam pate ba nam pate jemoka o yes o yes nebole konanza ambe akonge kali be Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné. Et ce moment de culte, nous sommes revenus sur la méditation face à cette heure qui vient pour la résurrection d'entre les morts. Et où tu exhortes nos cœurs à vivre pour cette heure, vivre pour la résurrection. D'un jour à l'autre, ça va s'accomplir. Oh Dieu, la même puissance qui va ramener les morts d'entre les morts, c'est la même puissance qui changera les corps des vivants pour devenir semblable à son corps glorieux. Nous devons avoir foi en cela. Nous devons t'expérimenter déjà maintenant. Que l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Donne à chacun de nous l'expérience de la parole. Que tous les faux pas des expériences non conformes, voire même dans la manière de prendre le baptême d'eau, que cela soit écarté avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons pas nous appuyer sur l'ivant ni construire sur les sables. Révèle-toi Seigneur à chacun pour que chacun ait le rocher solide, la pierre principale de l'angle, Jésus-Christ lui-même, traitant avec son âme, marchant avec lui, se révélant à lui pour affermir son espérance et rassurer son cœur. Seigneur, nous ne voulons pas les déceptions, des surprises très désagréables et les désillusions à l'heure fatidique. Nous voulons prendre les meilleures précautions, les bonnes dispositions, assurer une bonne préparation pour affronter ces heures comme des vainqueurs, affronter ces moments-là en vainqueur. Fais grâce à chacun de tirer les bonnes leçons de la vie. C'est ce phénomène malheureux du 13 décembre 2022. Cette centaine de morts inattendue qui a plongé cette nation en 3 jours de deuil. Et ceci vient faire suite à un autre deuil de 3 jours de national décrété ici il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'une semaine, à cause des massacres qui a eu lieu à Kisiche, à l'est du pays, où ces terroristes se tuèrent, ces égorgeurs. Selon l'enquête de l'ONU même, ils ont tué au moins 131 personnes. Et voilà encore 120 tués par la pluie. Toujours, c'est ce sol qui compte, ce mort. Mais pendant que nous y vivons ensemble, qui sommes-nous pour jouir encore de la vie? Ta grâce est sur nous. Et tu as encore quelque chose à faire avec nous. Ne nous laisse pas nous comporter comme des inconscients, comme des ingrats, pour chercher le plaisir dans le péché et la désobéissance à la parole. Laisse que chacun craigne Dieu, s'éloigne du péché et s'interdise tout ce que Dieu interdit. exauce nos prières. Apporte le secours aux plus faibles. Mais ceux qui sont manipulables par les démons. Apporte le secours car c'est toi le sauveur. Relève-le, Seigneur. Approche de leur vie. Et qu'ils sentent ton secours. Chacun pour sa part. Au nom de Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Veillez ce soir. Nous arrivons à la dernière étape ici. Priant que Dieu vous bénisse.